Chapitre 4. L'assassin invisible. À partir de ce moment-là, les alertes se succédèrent. La nuit même, alors que Marguerite de Carteret se trouvait dans sa chambre à coucher éclairée à l'électricité et se préparait à se mettre au lit, un coup de feu retentit. La jeune femme poussa un cri de douleur. Une balle venait de l'atteindre à l'avant-bras. Quelqu'un avait tiré du parc dans la chambre à travers la fenêtre illuminée. Une vitre était brisée. Aussitôt, l'alarme fut donnée. Ce fut un branle-bas général. Le chevalier d'Arsac dirigea les recherches dans le parc pendant que le valet courait en toute hâte quérir un médecin. Celui-ci arriva peu de temps après. Il constata que la blessure de la jeune femme n'était pas grave, mais une grande perte de sang l'avait fort affaiblie. Le commissaire de police aida le chevalier d'Arsac dans ses recherches, mais celles-ci furent vaines. Le meurtrier n'avait laissé aucune trace de son passage. La nuit même, Marguerite de Carteret fut transportée dans une autre chambre dont les fenêtres étaient hermétiquement closes par des volets de fer. Son père s'assit à son chevet. La journée du lendemain fut calme. Les hôtes du château se perdirent en conjectures sur le mobile qui faisait agir le meurtrier. Celui-ci cherchait à se venger ou tout simplement à terroriser la comtesse de Savignac pour lui extorquer une somme importante. Mystère. Qui était cet inconnu qui avait pris les traits et les titres du chevalier d'Arsac pour épouser la jeune femme? À cette question, le véritable d'Arsac répondait « J'espère éclaircir bientôt ce mystère. Ce n'est pas la première fois qu'un aventurier se substitue à moi, mais cette fois, j'espère bien qu'il ne m'échappera pas. » Il fut décidé que Marguerite de Carteret ne serait jamais seule. On craignait que l'ennemi ne s'introduisît à l'improviste dans la chambre occupée par elle. La nuit suivante se passa sans incident. La baronne de Carteret et le chevalier d'Arsac restèrent au chevet de la blessée. Le lendemain matin, on annonça au château l'arrivée du détective Morin. Celui-ci était un homme d'une quarantaine d'années, à la face imberbe, aux traits énergiques. Deux yeux investigateurs, pétillants d'intelligence, brillaient derrière ses binocles. Le baron lui fit l'accueil le plus aimable et, à la demande du détective, le mit tout de suite au courant des événements qui s'étaient déroulés au château. M. Morin lui posa quelques questions relatives au signalement du faux comte de Savignac, puis, accompagné du baron, il visita le château et le domaine de Carteret. « Je ne serais pas étonné, dit le détective, que l'aventurier dont vous me parlez ne fût un jeune homme qui eut maintes fois déjà maille à partir avec la police. C'est un gentilhomme cambrioleur dont l'audace est étonnante et qui possède à la perfection l'art de se métamorphoser. On l'a pour cette raison surnommé l'homme proté. Voici sa fiche anthropométrique. » Et M. Morin tira de son portefeuille un portrait qu'il montra au baron en disant « Ne reconnaissez-vous pas dans cette tête celle du faux chevalier d'Arsac ? Non, je n'oserais l'affirmer. Ce n'est pas étonnant, il faut avoir étudié la science anthropométrique pour retrouver, à travers toutes les transformations de l'homme dont je vous parle, le type original. » Le baron de Carteret présenta le détective à son épouse, à sa fille et au chevalier d'Arsac. Le soir, il fut convenu que, pour permettre à la baronne de Carteret et au chevalier d'Arsac de prendre un repos nécessaire, le baron et le détective Morin veilleraient la comtesse de Savignac. Ils s'installèrent donc dans la chambre de celle-ci, après avoir hermétiquement fermé les portes et les volets. La jeune blessée était donc en toute sécurité. Elle était enfermée comme dans une citadelle, sous la protection de deux gardiens vigilants. Il était impossible, dans ces conditions, que le faux d'Arsac renouvelât ses tentatives de meurtre. « Nous ne saurions prendre trop de précautions, avait dit le détective. Notre adversaire est habile et il ne faut négliger aucune précaution pour l'empêcher d'agir. Il se trouvera ainsi désarmé et tout fait présumer que, dans ce cas, il usera d'un coup d'audace qui le perdra. Dès qu'il se manifestera, je mettrai la main sur lui. » Le commissaire dispose d'un mandat d'arrêt qui nous permettra de sévir sans tarder. La première partie de la nuit s'écoula sans incident. Le silence le plus complet régnait dans le château. Le baron et le détective s'entretenaient à voix basse, assis au chevet de la blessée. Celle-ci dormait. Minuit sonna. Tout à coup, comme les deux hommes prêtaient l'oreille à la sonnerie de l'heure qui résonnait dans le silence, une détonation retentit dans la salle même. Le baron et le détective se levèrent en même temps. La comtesse de Savignac se réveilla en sursaut en poussant un cri. Un coup de feu venait d'être tiré par une main inconnue dans la chambre. La balle avait frôlé la joue de la jeune femme et s'était logée dans l'oreiller sur lequel elle reposait la tête quelques instants auparavant. Le baron était affolé, le détective était perplexe. Tous deux parcouraient du regard la pièce complètement éclairée et où personne n'avait pénétré. Soudain, le détective montra du doigt un revolver qui gisait au milieu du parquet. « Voilà l'arme du crime, » dit-il. Il se pencha et ramassa le revolver. « Remarquez, » continua-t-il en s'adressant au baron, « que le canon est encore chaud. »« Mais, » s'écria M. de Carteret, « qui a bien pu tirer ? Personne n'a pénétré ici, et, en admettant même que les volets n'eussent point garanti les fenêtres, et que l'on eût fait feu du dehors, rien n'expliquerait la présence du revolver dans la chambre. « Vérifions les portes, » dit M. Morin. Les deux hommes examinèrent les serrures. Les clés étaient restées à l'intérieur et les portes étaient fermées. Le détective souleva les tentures, ouvrit les rares meubles de la chambre, fit sonner les murs, examina le parquet. « Rien, » dit-il avec un geste de découragement. « Je ne trouve rien. Il était impossible qu'un être vivant pénétrât ici et plus impossible encore qu'il sortît sans attirer notre attention. » Dès que la détonation a retenti, nous avons parcouru la salle du regard. Mais alors, cet attentat est incompréhensible, il tient du prodige. C'est la première fois dans ma carrière que j'assiste à un fait de ce genre. Comment l'expliquez-vous ? Je ne pourrai l'expliquer, monsieur le baron, du moins pour le moment. L'avenir nous apportera, je l'espère, quelque éclaircissement. Tantôt, quand j'ai inspecté la chambre, j'ai cherché en vain sur le parquet la trace du passage d'un être vivant. Ces traces auraient pu être indistinctes. Non, monsieur, aucune trace n'échappe à un détective digne de ce titre. Aucun homme ne peut passer quelque part sans laisser un indice qui m'échappe. Quelqu'un pourtant a tiré. C'est hors de doute. Mais si cette version n'était pas contraire aux faits du domaine naturel, je croirais que le meurtrier est un homme invisible, ou tout au moins un personnage qui dispose d'un pouvoir sortant des lois communes. Mais je m'empresse de vous le dire, je ne crois pas à la magie, et j'espère bien expliquer plus tard ce phénomène, à présent inexplicable. Une main a tiré, cette main ne peut être qu'en chair et en os, et appartenir à un être vivant. « la main invisible !» s'écria tout à coup la comtesse en proie à la fièvre. « Calmez-vous, mon enfant !» dit le baron en se penchant vers elle et en lui faisant prendre un calmant. Pendant ce temps, M. Morin songeait, les yeux perdus dans le vague. Enfin, il se leva, recommença ses investigations dans la chambre, examina à nouveau tous les objets. « Rien !» dit-il avec un geste découragé. Il ne nous reste plus qu'à attendre et à redoubler de prudence. L'aube seule dissipa les craintes quasi superstitieuses et la fièvre de la blessée.